Exercice 5. A. Artichaut. Carotte. Haricot. Abricot. B. Céleri. Aubergine. Brocoli. Navet. C. Courgette. Cerise. Pastèque. Châtaigne. D. Beurre. Œuf. Œuf, bœuf. E. Kiwi. Kaki. Myrtille. Litchi.